je t'aime si fort. Aimer devrait s'écrire avec des yeux. Assimilé, aucune bataille. Je pense à mes canis, mon lycée. À grand-mère, comme école, c'est ma rappel. Chemin de la promenade, nous dit aussi. Amour n'a été dans la vie, moi, c'est une personne d'arrière. Zombies, c'est la gâte, je m'en crois à la joie. Amigo, amigo. C'était pris en bas pour la vie. Thank you.